Chapitre 5. Le secret de Dieu. Les deux assassins, malgré leur sang-froid habituel, se sentirent pris d'une terreur bien justifiée. Si c'était un domestique qui regagnait tardivement sa chambre, celui-ci ne manquerait point de leur demander ce qui les amenait si tard dans la maison du fabricant. Il ne se contenterait sans doute pas, comme le concierge somnolent, de cette raison qu'il venait implorer le secours de l'abbé Sulpice. Le domestique appellerait ses camarades à l'aide, et Radecave et Fleur d'Échafaud se trouveraient pris sur le théâtre même de leur double crime. Assassiner celui qui allait monter et qui commençait à gravir les marches de l'escalier présentait un terrible danger. Dans le doute, et pour avoir le temps de voir au moins l'adversaire qui venait vers eux, Fleur d'Échafaud et son compagnon franchirent la moitié des degrés conduisant au deuxième étage. Arrivé là, Radecave se pencha sur la rampe et regarda. L'homme qui montait était vêtu d'une longue robe noire. « L'abbé Sulpice !» murmura Radecave à l'oreille de son compagnon. Le voleur émérite tira un énorme foulard de sa poche, s'en entoura le cou pour mieux masquer son visage, puis il ajouta « Comprends ce que je vais faire. Dis comme moi et nous sommes sauvés. » Radecave descendit alors sans précaution l'escalier comme un homme qui vient de vaquer à d'honnêtes affaires. Au bruit qu'il fit, l'abbé Sulpice leva la tête. Les deux meurtriers continuèrent à descendre. Il ne se trouvait plus que trois marches entre les misérables et le fils de leur victime quand Radecave demanda d'une voix émue et respectueuse « Monsieur l'abbé Pomereul, je crois. En effet, c'est moi, » répondit Sulpice. « Que souhaitez-vous ? » « Le concierge nous ayant dit que monsieur l'abbé se trouvait chez lui, nous étions montés afin d'implorer le secours de son ministère. » « Il s'agit d'un cas grave ?»« Du salut d'une âme, monsieur l'abbé. » Sulpice se sentait exténué de fatigue. L'esprit et le corps défaillaient à la fois. La prostration s'emparait de ses membres et gagnait son esprit. Il venait de soutenir une de ces luttes effroyables dont les serviteurs de Dieu connaissent seuls le secret. Pendant 5 heures, assis au chevet d'un moribond, il avait disputé cette âme aux ténèbres, à la terreur de la mort. Il avait parlé, prié et pleuré tour à tour, et fait appel à tous les souvenirs de l'enfance pour évoquer dans une conscience devenue aveugle, sourde, muette, les souvenirs de la vie pure et chrétienne auprès d'une mère admirable. Pour amollir ce cœur de pierre, il avait cherché dans les célestes paroles du Christ les promesses les plus rassurantes. Enfin, après avoir usé du surhumain pouvoir des sacrements, il avait lentement et doucement calmé, une à une, les terreurs de l'âme écrasée du souvenir de ses fautes. Il avait fermé les abîmes, changé les menaces des anges en promesses, montré la mort comme le sommeil dont on s'éveille dans le Christ, et suivant les palpitations du cœur oppressé et aux dernières lueurs de l'esprit envahies par les ombres du trépas, il avait doucement pris cet esprit dans ses mains pures et l'avait offert à son Dieu comme le plus précieux des holocaustes. Il rentrait donc le bon travailleur, la journée finie, la gerbe liée. Il allait pouvoir se reposer à son tour de fatigues inouïes qui ne peuvent être comparées à aucune autre, quand Radecave et Fleur d'Échafaud parurent devant lui pour lui dire « Il y va du salut d'une âme ». Sulpice n'hésita pas. « Allons, » dit-il. Radecave ajouta « La course est longue, nous avons une voiture. »« Bien, » fit doucement l'abbé Pomereul. Ce fut lui qui frappa à la porte vitrée de la loge du concierge pour lui dire de tirer le cordon. Les trois hommes se trouvèrent une seconde après dans la rue. « La voiture nous attend à 2 pas, » dit Radecave. Les événements qui précèdent s'étaient passés avec une telle rapidité que le cocher put croire que ses clients avaient pris simplement le temps d'aller chercher une troisième personne. Radecave monta le dernier et donna une adresse que Sulpice n'entendit pas. La voiture se mit en marche. Les assassins gardaient le silence. Le prêtre murmurait les paroles latines du bréviaire qu'il n'avait pas eu le temps d'achever. Peu à peu, une sorte d'engourdissement s'empara de lui, et il lui devint impossible de se rendre compte des quartiers qu'il traversait et du temps que dura la course. La voiture s'arrêta. Le chaos qui se produisit alors arracha Sulpice à la demi-somnolence qui s'était manifestée. Il se retrouva presque reposé. D'ailleurs, le sentiment du devoir à remplir suffisait pour galvaniser ses forces. Radecave paya le cocher. Fleur d'échafaud tira le bouton de cuivre d'une porte d'assez piètre apparence, et les deux misérables entrèrent dans l'allée où le prêtre les suivit. Quand la porte se fut bruyamment refermée, Radecave alluma une bougie placée dans un chandelier de cuivre et qui semblait disposée pour lui près de la loge du concierge. Puis il commença à gravir l'escalier. Évidemment, la maison était pauvre et habitée par de pauvres gens, car les marches de bois manquaient de solidité. La muraille avait des plaques verdâtres, produites par l'humidité, et les paliers étroits se coupaient de portes peintes en brun et de mesquines apparences. Radecave s'arrêta au dernier étage, introduisit une clé dans la serrure et entra. La chambre qui s'offrit au regard de Sulpice était si vaste que la maigre clarté de la bougie n'en dissipa point l'obscurité. Dans le fond, on distinguait vaguement un lit entouré de rideaux sombres. « C'est ici sans doute que se trouve le malade ?» demanda l'abbé Sulpice à Fleur d'échafaud. Celui-ci attendit que son complice eût mis dans sa poche la clé de la chambre. Radecave s'approcha alors du prêtre, en ayant soin de se trouver placé de telle sorte qu'il fut impossible à celui-ci de distinguer son visage. « Je vous ai dit qu'il s'agissait du salut d'une âme, monsieur l'abbé. Je n'ai point parlé de malade. »« Soit, » dit doucement l'abbé. « Un pécheur est un malade pour nous autres médecins spirituels. Qu'attendez-vous de mon ministère ?»« Que vous m'entendiez au confessionnal. »« Ici, cette nuit ?»« Tout à l'heure, ici même. »« Mais vous semblez vous porter à merveille, mon ami. Je ne vois donc pas la nécessité de vous administrer les sacrements dans cette chambre. Pourquoi ne viendriez-vous pas demain à l'église ?» Est-ce qu'il vous appartient de juger quelle heure Dieu s'est réservée pour me toucher le cœur et me donner le repentir ? Non, certes, dit l'abbé. L'observation que je vous ai faite était motivée par le grand respect que je porte aux choses saintes. Je préfère, hors d'un cas pressant, les administrer dans le sanctuaire. Ce que l'abbé Sulpice disait était bien réellement l'expression de sa pensée. Mais en outre, et sans s'en rendre compte, il se sentait envahi par le sinistre pressentiment qui s'empare de nous quand nous sommes sur le point d'apprendre un grand malheur. Cependant, il surmonta ses mouvements de crainte, et se plaçant en face du devoir à remplir, il dit à Radecave « Je suis prêt à vous entendre ». Le voleur fit signe à Fleur d'échafaud de s'éloigner dans la direction du lit, puis il approcha un siège de l'abbé Sulpice. « Maintenant, lui dit-il, nous sommes deux hommes, dont l'un possède un pouvoir mystérieux auquel l'autre fait appel. Tout ce qui, à ce moment, sortirait de mes lèvres serait appris à l'homme, et cet homme serait libre de le répéter. À quel moment commence le rôle du prêtre ? À quelle minute précise est-il obligé de m'écouter ? Sans avoir la faculté de se souvenir, ou tout au moins d'user de mes aveux. « Vous allez vous agenouiller, » dit l'abbé Sulpice, « puis vous ferez le signe de la croix. » Radecave s'agenouilla et se signa. « Récitez le confiteor maintenant. » Radecave s'en souvenait assez pour ne point oublier un grand nombre de mots. Il dit rapidement la prière indiquée par le prêtre, puis s'arrêta. L'abbé Sulpice reprit. « Il ne vous reste plus qu'à dire « Mon Père, bénissez-moi parce que j'ai péché. » Un frémissement parcourut tout le corps de Radecave. Il se remit vite et répéta d'une voix sourde. « Mon Père, bénissez-moi parce que j'ai péché. » « Parlez, » dit le prêtre d'un accent plein d'onction et de miséricorde. « Parlez. De cette minute suprême, ce n'est plus moi qui vous écoute, mais le Christ, votre juge et le mien. Avouez les fautes qui gonflent votre cœur, déchargez le fardeau de votre conscience. En vous quittant, je ne me souviendrai plus. En vous quittant, je vous appellerai mon frère, et vous pourrez compter sur mon silence, comme je compte sur l'éternité de mon Dieu. » Une seconde fois, l'accent de cette voix si paternelle, si douce, toucha le misérable, mais il triompha rapidement de cette impression et reprit d'une façon hachée, saccadée. « Mon père, à vos pieds, devant Dieu, sous le sceau terrible de la confession, que vous ne pouvez trahir sans être sacrilège, j'avoue que cette nuit j'ai volé une somme de 100 000 francs. « Ah, malheureux, fit le prêtre, vous restituerez. » « Ce n'est pas tout. L'homme que je dépouillais a entendu du bruit. Il est venu, j'ai frappé. » « Vous l'avez tué ? » ?»« Je l'ai tué. » « mon Dieu, faites miséricorde à cette âme, fit Sulpice. Recevez la victime dans votre sein, Seigneur. Soyez clément pour qui est entré si vite et d'une façon si cruelle dans la mort qu'il n'attendait pas. Pitié, pitié. » Un sanglot souleva la poitrine du prêtre. « Il me reste quelque chose à vous apprendre, » reprit Radecave, dont la voix devint rauque. « Quoi donc encore, mon Dieu ?»« Le nom de l'assassiné. »« Il s'appelle ?»« Antonin Pomereul. » La foudre tombant aux pieds de l'abbé Sulpice l'eut moins épouvanté que cette révélation. Il lui sembla que son cœur se brisait dans sa poitrine. Un brouillard flotta devant ses yeux. Il se leva, étendit les bras en croix et tomba de toute sa hauteur sur le plancher, la face contre terre. Radecave restait debout et regardait. Sulpice souffrait son agonie comme le sauveur endura la sienne. Il restait là, couché, aplati en quelque sorte sur le sol, et il se souvint qu'un autre jour, il s'était prosterné de la sorte, à l'heure où il renonçait au monde, à ses passions, à ses convoitises, le jour où il mourait pour revivre, le jour où il prononçait ses vœux. Il mesura l'étendue de son devoir avec épouvante. Le fils et le prêtre soutinrent un horrible combat. Le fils savait que l'assassin de son père bien-aimé était là, chargé des dépouilles, couvert du sang de sa victime. Le prêtre n'avait plus le droit de se le rappeler une fois ce seuil franchi. Quoi ? Son devoir inexorable allait jusqu'à l'empêcher, au sortir de cette maison maudite, de désigner le coupable à la justice, de le traîner pantelant sous le glaive de la loi ? Non par esprit de vengeance, mais dans l'intérêt même de la société outragée, il lui était interdit de crier « Arrêtez ce monstre !» Oui, tout cela lui était défendu. Un homme, ajoutant une horrible et sacrilège comédie à un drame épouvantable, venait de s'armer du secret de la confession pour s'assurer de l'impunité, et cette impunité lui était assurée. Sulpice était obligé d'oublier jusqu'à la voix de cet homme, et s'il passait jamais près de lui, de feindre de ne le point connaître. Pendant plus d'une heure, Sulpice resta demi-mort, plongé dans une atonie dont le corps se refusait à sortir. L'âme seule veillait, et, déchirée, saignante, répétait dans son martyr « Que votre volonté soit faite et non pas la mienne ». Pendant ce temps, Fleur d'échafaud s'était jetée sur le lit et dormait. Radecave, assis sur la table, sans s'inquiéter désormais d'être reconnu par le prêtre, attendait que celui-ci retrouvât la force de se lever. L'abbé Sulpice se redressa d'abord sur les genoux pour essayer ses forces, puis s'appuyant contre la cheminée, il parvint à se tenir debout. Ce fut alors que la figure de Radecave frappa sa vue, éclairée qu'elle était par la bougie. Radecave avait arraché son foulard et quitté son paletot d'emprunt. Il portait alors une blouse bleue, ouverte sur la poitrine, et l'expression cruelle et bestiale de son visage ressortait dans toute sa laideur. L'abbé Sulpice crut se tromper et s'avança de deux pas. « C'est bien moi, allez !» dit l'assassin. « Moi, Jean Machu, qui vous demandait une nuit l'hospitalité dans les environs de Brest. « Ah ! » fit le prêtre. « Est-ce là ce que tu me promis dans cette soirée terrible ? N'avais-je pas acheté ton salut au prix de mon silence, et ne devais-je te retrouver que couvert du sang de mon père ?» L'abbé Sulpice semblait retrouver quelque énergie physique. Il ajouta « Quoi que tu aies fait, quoi que je sache, tu as droit à ma discrétion. Laisse-moi sortir. » « Pas encore, » répondit Radecave. « N'ajoute pas une inutile cruauté à tes crimes. Laisse-moi regagner l'hôtel. Je me dis, vois-tu, que la victime palpite peut-être encore, que dans la rapidité du meurtre tu peux être trompé et avoir pris l'évanouissement pour la mort. Laisse-moi partir, Jean Machu. Il me semble que la voix expirante de mon père m'appelle. » « Il est bien mort, » répéta Radecave. « Eh bien, s'il n'est plus... « Si l'âme a quitté cette enveloppe chérie, ma place est à son chevet, sinon pour le sauver, du moins pour faire la veillée près de son cadavre. Je suis prêtre, je me tairai, mais je suis homme et je souffre, je suis fils et je pleure. Tu m'as ravi tout ce que j'aimais le plus en ce monde, et je te prie, vois-tu, si misérable que tu sois, tu as eu un père, une mère, tu as aimé quelqu'un, avant de tuer pour de l'argent, tu as été bon peut-être. » Jean Machu, laisse-moi partir. Cela ne se peut pas, répondit Radecave. Si j'y consentais, mon complice s'y opposerait. L'abbé joignit les mains pour une supplication ardente. Prière inutile, il le comprit. Alors, par un de ces miracles de l'apostolat que comprendront les cœurs d'apôtres, Sulpice imposa soudain silence à sa douleur. L'homme essuya les larmes baignant son visage, et le prêtre, fort d'une force surhumaine, se retrouva prêt pour une autre lutte. « Jean, dit-il, si je dois passer avec toi quelques heures de cette nuit terrible, tu me permets du moins de les employer suivant ma volonté. » L'assassin baissa la tête en signe d'assentiment. « Je te parlerai du passé, reprit Sulpice. « Je t'en parlerai sans t'adresser de reproches, et seulement comme on rappelle un lointain souvenir. Il y a 7 ans de cela, j'avais fait un pèlerinage en Bretagne, et je me reposais au bord de la mer, dans une cabane de pauvres gens, des fatigues de ma mission, en même temps que je préparais un travail sérieux pour l'hiver suivant. Une nuit, nuit d'orage, comme il en survient dans les anses de l'Armorique, hérissé de falaises et envahi par les flots, je veillais et j'écrivais, quand un coup sec fut frappé au volet de ma maison. Je courus ouvrir, un homme à peine vêtu d'un pantalon de toile, ruisselant d'eau, se jeta dans la cabane, enferma la porte avec violence, et se plaça devant, comme s'il redoutait de se voir chassé de ma demeure. Le vent soufflait avec furie, le bruit du tonnerre éclatait, sourd et continu. Les vagues, montant affolées à l'assaut des roches, grondaient avec un bruit formidable. En vérité, c'était une horrible nuit. Jean Machu, dit Radecave, serra ses 2 poings crispés, puis laissa tomber ses mains sur ses genoux. « L'homme qui venait de pénétrer chez moi, reprit le prêtre, semblait brisé de fatigue. Je lui donnais du linge, je lui versais du vin, et je lui désignais mon lit pour dormir. Tout à coup, un bruit sourd, mais d'une autre nature que les roulements du tonnerre, parvint à mon oreille. Ce bruit, je le reconnus. C'est le canon, dis-je, c'est bien le canon. L'homme, frissonnant, pantelant, écoutait. Je reconnais ce signal, repris-je. Un forçat vient de s'évader du bagne. On le poursuit, on le cherche. Alors l'homme tomba à mes pieds. Vous pouvez le livrer, me dit-il. Je le regardais. Une horrible anxiété contractait son visage. Ses lèvres tremblaient. Ses mains se levaient vers moi. J'étais placé entre la société qui me disait « Fais œuvre de citoyen et renvoie le criminel à la chaîne » et un malheureux qui me répétait « Pitié, pitié !» Et j'écoutais cette pitié-là. Et je gardais l'hôte de la Providence sous mon toit, sous ma garde. Et tandis qu'il dormait, j'écrivais en la paraphrasant cette parole de l'Évangile. Il y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent que pour cent justes qui persévèrent. Au matin, j'allais dans le village, je me procurais des habits de pêcheur, et durant la nuit suivante, Jean Machu, le forçat évadé, quitta tranquillement ma maison. Il la quitta après m'avoir fait le serment de vivre en honnête homme, et cela lui était facile, car il emportait avec mes économies une lettre de recommandation pour un membre de ma famille possédant des pêcheries en Bretagne et qui, sur ma demande, le devait employer. « Est-ce vrai ?» demanda l'abbé Sulpice à Radecave. « C'est vrai, » répondit celui-ci. « Et quand je te retrouve, c'est non plus comme la première fois, châtié pour un vol presque insignifiant et dont tu te défendais même d'être l'auteur, mais chargé de l'or d'un honnête homme et couvert encore de son sang. « Ah !» fit Jean Machu. « Le tigre reste tigre, la douceur de l'agneau n'y fait rien. »« Qu'en sais-tu ? » demanda le prêtre. « Eh bien moi, au nom du Seigneur qui me voit et m'entend, je soutiens le contraire. La douceur de l'agneau triomphe de la lâche férocité du tigre. Pour user le rocher, il suffit d'une goutte d'eau, comme pour attendrir le cœur d'un criminel, il suffit d'une larme. Tu m'as appelé ici, Jean, et je suis venu. Tu m'as dit, il s'agit d'une âme à sauver, et cette âme, je la réclame. Tu as brisé mon bonheur terrestre, je veux assurer ton éternel salut. Tu m'as pris mon père, et je te rends mon Dieu. » Radecave se pencha vers le prêtre, comme s'il se refusait à croire le témoignage de ses sens. L'abbé Sulpice poursuivit. Tout à l'heure, sacrilège parodie d'un acte mystérieux et sublime, tu t'es agenouillé devant moi. Tu as réclamé les bénéfices du chrétien repentant au profit du coupable persistant dans sa voie damnée. Et j'ai parlé, j'ai promis, j'ai levé la main pour te bénir et te donner la force de tout dire. À cette heure, je te veux à genoux de nouveau, non pas pour obtenir ma discrétion, elle t'appartient, mais pour me crier du fond de ton âme, et non du bout des lèvres, « Mon père, j'ai péché !» Une autorité si souveraine et si sublime régnait dans les paroles du prêtre que Jean Machu sentait son cœur tout défaillant en lui. Il ne comprenait pas à quelle source sacrée l'abbé Sulpice puisait sa grandeur et son éloquence, mais il en restait écrasé. Il balbutia cependant, « J'ai volé votre père, je vous ai volé. » Et tu tiens au profit du crime, soit. Je te donne les 100 000 francs dérobés ce soir. Ils seront déduits sur ma part de fortune. Vous me les laissez sans reproche, comme si je les avais honnêtement gagnés. Ils t'appartiennent désormais, je te le répète, je te les donne. Si la pauvreté te poussait au crime, te voilà à l'abri du besoin. Ce que tu m'as avoué avec une sorte de forfanterie cruelle, répète-le, les genoux en terre et le front baissé. À défaut de ton repentir, prends mes regrets et mes larmes. Dis-toi que c'est pourtant bien affreux de disposer d'une vie humaine, d'envoyer dans la mort un être vivant, heureux, de faire des orphelins, de semer le deuil partout autour de soi. Je pleure, resteras-tu les yeux secs? J'ai pitié de ton âme. Seras-tu le seul qui ne songe pas à la sauver? Mon ami, mon frère, pour mon Dieu qui est mort en croix, je te supplie de confesser ton crime. Je te supplie d'en demander pardon. « Oh là là !» fit une voix traînante. « Dirait-on pas que tu vas pleurer comme une femme, Radecave ?» demanda Fleur d'Échafaud qui s'était éveillée et prêtait depuis quelque temps l'oreille à l'entretien de Jean Machu et de l'abbé Sulpice. « Rengainons ça, ma vieille, ça peut être dangereux. Je rends justice à votre éloquence, monsieur l'abbé. Si jamais ma Sorbonne est menacée, vrai, je n'en demanderai pas un autre que vous. Pour le quart d'heure, c'est intempestif. Que vous ayez sauvé cette grosse bête de Radecave, très bien. Que vous oubliez ce qu'il vous a dit, encore mieux. Mais que son attendrissement aille jusqu'au sacrement, Nisco, je m'y oppose. Il n'est pas seul dans l'affaire. Et il faut partager avec Bibi. S'il ne faut que cela... Assez de désintéressement pour un jour. Le soleil va se lever. Il est temps de quitter ce bouge, mais non de rentrer dans l'hôtel Pomereul. Je vais chercher une voiture, vous y montrer avec Radecave. Moi qui sais tous les métiers, je conduirai. Pendant 4 heures, nous voyagerons et seulement à 8 heures du matin, je vous ramènerai dans Paris. Inutile de chercher à m'attendrir, moi. Je suis comme le bois vert, je ne flambe pas. » L'intervention de Fleur d'Échafaud refoula au fond du cœur de Radecave l'attendrissement mêlé d'admiration dont il avait un moment ressenti l'influence. Fleur d'Échafaud descendit chercher un fiacre, et quoique tentât l'abbé Sulpice, Jean Machu demeura froid et dur comme un bloc de granit. Comprenant l'inutilité de ses efforts, Sulpice s'agenouilla dans un angle de la chambre et se mit à prier. Le roulement d'une voiture avertit Radecave du retour de son complice. Il marcha vers l'abbé Pomerol et lui toucha l'épaule. « Venez, » dit-il. Tous deux descendirent sans lumière. Arrivé au bas de l'escalier, le prêtre, qui ne pouvait admettre aucun compromis avec sa conscience, ne chercha point à graver dans sa mémoire le souvenir de cette maison sinistre. Quand il se trouva dans la rue, il ne tenta point de lire le numéro. Sans un mot, sans tentative de résistance, il monta dans la voiture que Fleur d'Échafaud devait conduire. Si l'abbé Sulpice avait vu la figure de l'ancien forçat, il n'en était pas de même de Fleur d'Échafaud, dont le chapeau, rabattu comme un sombrero, cachait complètement le visage, et il eût été impossible au fils de M. Pomerol de reconnaître le complice de Radecave. Pendant 4 heures, la voiture roula, tantôt sur le pavé, tantôt sur le macadam. Elle s'égarait sans doute dans les environs de Paris, peut-être aussi tournait-elle dans un cercle pour égarer davantage les souvenirs de Sulpice, s'il eût été capable de se rendre compte du chemin parcouru. Le jour se leva, Radecave avait baissé les stores, et l'abbé se taisait, priant tout bas, attendant que la volonté des bourreaux de son père s'accomplît. Quand la montre de Fleur d'Échafaud marqua 8 heures, le misérable se trouvait au Palais-Royal. Il prit alors la route de la chaussée d'Antin. Arrivé du côté le plus désert du nouvel opéra, le faux cocher descendit, ouvrit la portière et dit à l'abbé Sulpice « Descendez, vous voilà près de chez vous. » Sulpice descendit. « Adieu !» lui dit Radecave d'une voix rauque. « Au revoir !» murmura l'abbé d'une voix indistincte. Et chancelant de telle sorte qu'il fut obligé de s'appuyer contre une muraille, le prêtre prit le chemin de l'hôtel Pomerol. « C'est égal !» dit Radecave en s'adressant à Fleur d'Échafaud. « Nous sommes forts, mais en voilà un qui est plus fort que nous. » Du plus loin que Sulpice aperçut la maison de son père, il remarqua dans la rue de la chaussée d'Antin, près de la porte cochère, un grand rassemblement. La fatale nouvelle du crime s'était rapidement répandue. Lorsque le valet de chambre descendit vers 6 heures du matin, il prit, comme d'habitude, ses balais, ses plumeaux, pour faire, avant son lever, le cabinet du négociant. Mais à peine eut-il franchi le seuil de la porte qu'un terrifiant spectacle s'offrit à sa vue. Étendu sur le parquet, la face violacée, les yeux sanglants, le corps de M. Pomerol avait déjà la rigidité cadavérique. Des taches de sang se voyaient sur ses habits et même sur son visage, et l'on entendait près de lui pousser des cris inarticulés de douleur. C'était Liplap qui, fermant sa plaie béante d'une de ses mains, s'était traîné jusqu'à son maître et le pleurait à sa manière. Le premier mouvement de Baptiste fut de chercher s'il y avait quelque espoir de rappeler son maître à la vie. Quand il eut acquis la certitude du contraire, il appela le maître d'hôtel, le concierge et la femme de chambre de Sabine. « Un horrible malheur est arrivé, » dit-il. « Monsieur Pomerol a été assassiné cette nuit. Empêchons mademoiselle Sabine de voir cet affreux spectacle. La justice doit être prévenue tout d'abord. Il faut, s'il se peut, que les constatations légales soient finies avant le réveil de monsieur Xavier. » Le maître d'hôtel alla chercher le commissaire de police, puis le médecin. Une heure plus tard, les magistrats étaient réunis sur le théâtre du crime.